L'exposition des matériaux de construction de finition à destination de l'arrondissement de Samdion vient d'être ouverte en présence de plusieurs centaines d'unités d'activités telles que les organismes des forces armées, les comités, ministères et établissements centraux, les établissements de recherche scientifique et d'enseignement, la division 216, les usines et entreprises. Y sont exposées plus de 630 pièces de plus de 120 espèces de fabrication nationale en partant des matériaux locaux, dont les poussières de pierre ponce, des bois, de la résine, etc. Le service inaugural a eu lieu le 27 au Palais des sciences et techniques. Y était présent Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, des cadres intéressés ainsi que des fonctionnaires scientifiques, techniciens, enseignants et membres des groupes de promotion des trois révolutions des unités exposantes. Dans son discours, Choi Ryong-hae a souligné que la présente exposition servira d'une occasion importante pour contribuer efficacement à l'aménagement particulier de l'arrondissement de Samdion en celui exemplaire et standard impeccable.